belle découverte, 18h-18h30. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 FM. On est dans l'émission La Belle Découverte et on va parler aujourd'hui d'un album qui est sorti sur Big Scoop Records. À la base, c'était 1001 Records, je sais pas comment on dit. Et puis cet album, il s'appelle Know Yourself. Les artistes sont trois, c'est Naman, Massy et Triple. C'est sorti le 26 janvier et on va en parler tout de suite. Et je vous propose de faire un petit topo sur l'artiste principal, Naman. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir Alexis à mes côtés. Ça va Alexis ? Ça va très bien. Alors moi, je vais te faire un topo sur Naman. Martin Mussard, de son prénom, né en 1990 à Dieppe. C'est un artiste qui est atypique sur la scène du reggae, qui est majoritairement africaine et antillaise, hein. Mais il ne reste pas moins complètement imprégné de la culture rasta. Au niveau de ses textes, donc, il fait de la ganja et de la dénonciation de la décadente Babylone, ses thèmes principaux. Il chante dans un anglais jamaïcain et prône le vrai reggae en tant que musique du peuple. Et c'est quelqu'un qui est adepte des sound systems, ça se remarque dans ses premiers pas. Qui sont déjà très remarqué sur la toile. On peut noter dans son entourage, donc Incute Prod, ses amis beatmakers, il l'appelle à ce moment-là Ras Naman. Ouais, probablement le Naman Rasta, puisque Naman est un personnage issu de la Bible. Faut savoir qu'il y a une date importante, il apparaît pour la première fois le 3 août 2012 sur la scène du Reggae Sun Ska Festival 3. Il connaît rapidement donc le succès grâce à la mixtape donc Backyard, et on peut déjà noter la présence de son beatmaker préféré Fat Babs, qui lui prépare des sons aux petits oignons. Et c'est que le début, parce qu'il passe l'hiver 2012 en Jamaïque, notamment à Kingston, s'inspirant totalement de la culture rasta. Il rajoute du coup une touche d'authenticité et d'originalité à ses titres, aidé par des spécialistes quand même comme Sam Clayton de Toots and the Metals. Il enregistre alors avec le fabuleux Fat Babs quelques nouveautés dans le studio Harry G, connu pour avoir enregistré des titres de Bob Marley and the Wailers, puis reprend plusieurs de ses morceaux originels, et du coup le Deep Rockers Crew allait bientôt se former autour du duo. Voilà, maintenant on en sait un petit peu plus sur Naman. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute la chanson issue de l'album Deep Rockers Backyard. La chanson, c'est Skanking Shoes, et Anthony a repéré quelque chose pour nous. Et je vous demanderai d'être bien attentif parce que ça vaut le coup d'œil. Enfin, le coup d'oreille. Bah, il y a quelque chose d'assez flagrant, c'est qu'en fait, la basse qu'on entend très distinctement, elle est doublée par une guitare acoustique à une octave différente, en fait. Ces deux instruments, ils vont répéter ce thème-là pendant toute la chanson, mais vraiment toute la chanson, sans changer de tonalité, sans jamais rien changer. Donc, on en avait déjà parlé dans un autre label découverte aussi, on parle là d'ostinato. C'est quelque chose qui revient obstinément pendant tout le long de la chanson. Et vers le milieu ou les deux tiers de la chanson, c'est ensuite rejoint par quelqu'un qui fait des vocalises et qui, pareil, va refaire ses vocalises en boucle jusqu'à la fin de la chanson, donc un empilement d'ostinatiques. D'accord, c'est très bien dit, je suis pas sûr d'avoir tout compris. C'est quoi dont tu parles? C'est que t'as la guitare qui fait un riff. La basse est doublée par une guitare acoustique et ils font exactement la même chose tous les deux. Non seulement ils font la même chose tous les deux, mais le fragment qu'ils jouent, ils vont le répéter jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin sans jamais le changer. D'accord, ok. Eh ben on va écouter ça tout de suite, et pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir ONJP, je vous rappelle que c'est durant cette chanson qu'ils mettent en place leur jeu de scène spécial, le Scoopomètre, pour vérifier un petit peu l'ambiance de tous les publics, et je peux vous assurer que l'ambiance, elle est à son comble. Tiens, je vous propose un petit jeu aussi. À un moment dans cette chanson, Naman va dire « Let's see what kind of shoes they got in a little corner shop ». Je vous propose d'essayer de trouver à quel moment il dit ça. Oh yes, my friend, yeah. Have you got your skanking shoes, Deep Rockers? Push your skanking shoes, Stella. Don't let the fashion toot ya. Hey, fat pop, so I need a club, I need a vibe, I need a mic in a mirror, and I need a crazy selector, so rougher than them. A dirty dance, I'll tell them again in the morning. Yes, we warm up my body when Paris is burning. I need a really smelly spliffy, call me, I sing with that, me weed. I need a meditation time, I dread to the spin. Wrong in my bottle and me like it with nothing. What's up with me shoes, man? Serious thing, like, let's see what kind of shoes they got in a the legal corner shop. Good smoke and rock, steady skag and one joke. Feel how it move up your feet on the ground. We need a good night to swagger on. There is no reason for the bad dress if it will jump up. So never let a scammer do the joke. If you dress it up and dress it up nice, oh, a rude boy. Skanking, that's the way you put. We are skanking, spoil up your foot and skanking. Put on your skanking shoes. Alright, my friend. Skanking, that's the way you put. We are skanking, spoil up your foot. Skanking, put on your skanking shoes. Oh yeah, I was a youth, a picnic, practicing the beat killing. skanking, smooth feet a skank it. Real bubble log, yes, your foot a feel of it. Have you got skanking shoes, deep rockers? Official skanking shoes, seller. Have you got skanking shoes, my brothers? Hey, fat box, skanking shoes, make up. Skanking, dash the way you put, we are skanking. Spoil up your foot, man, skanking. Put on your skanking shoes. Oh, yeah. Skanking, you dash the way you put, man, we skanking. Spoil up your foot, just skanking. Put on your skanking shoes. Alright. I need a club, I need a vibe, I need a mic in my gun. I need a crazy selector, so rougher than them. A dirty dancehall, tell them again in the morning. Yes, be warm up my body when Paris is burning. I need a relish, relish, please be coming and sing with that me read. I need a meditation time, I great give the spin. Roll me in my bottle and me like it with nothing. What's about my shoes, man? Serious thing, lad. Let's see what kind of shoes they got in the liquor corner shop. Roots, rock or rock, stay this car in one job. Feel how it's move up your feet on the ground. We need a good not to swagger one. There is no reason for the bad just if it would jump up. So never let the scammer do the job. If you just sit up, man, just sit up nice. Rule boy, skanking. Yeah, we are skanking. And you got your skanking to my brother. Oh yeah, oh yeah. Skanking, the rock in all the place. We are skanking on bad vibes with the dance. Skanking, put down your skanking shoes. La belle découverte, 18h-18h30. C'était Skanking Shoes sur Radio Fadjet. On est dans l'émission La Belle Découverte et on va parler ensemble de Naman. Les vidéos de Skanking Shoes ou encore Never Get Back font l'unanimité sur la toile et confirment l'engouement du public. Donc plus de 2 millions de vues cumulées sur YouTube, c'est pas rien. Et donc ces vues-là ont permis au jeune chanteur de créer un véritable noyau de fans autour de sa musique et de l'agrandir chaque jour. À l'aube d'un séjour formateur en Jamaïque et aux îles Vierges, Naman a conclu donc sa première tournée à guichet fermé. 450 personnes étaient présentes au Petit Bain à Paris pour le dernier show de la saison sur la capitale fin octobre, et le live retransmis en direct sur www.partytime.fr était très attendu du public, n'ayant pas plus dépassé durant l'été. Ces 70 dates ont marqué les esprits et le jeune chanteur donc reprendra la route fin février 2013 pour une tournée unique aux côtés de Soumti et Scaramucci. Toute cette période se passe et là, nous arrivons début 2015. Et ça tombe bien, tu me diras, puisque la troupe qui offre des sourires sur toutes les scènes et prend un pied méchant à chaque presta, eh ben est de retour avec l'EP intitulé Know Yourself, où il est accompagné de Massy et Triple, qu'il a rencontré du coup sur l'île. Donc cet EP est produit par Big Scoop Records et distribué par Soul Beats. Naman, ce jeune homme tend à un avenir vraiment prometteur, vraiment. En plus de ça, la collaboration avec Massy, The Creators et Triple sur cet opus permet à Naman d'élargir son champ et de se dévoiler là où on l'attendait pas, quoi. Bref, tout ça pour dire que s'autoproclamer Naman, qui veut dire agréable en hébreu, c'était un peu osé, mais finalement, c'est vrai. Donc voilà, on vous a décrit le bonhomme, c'est Naman, et il est accompagné de Massy et Triple sur cet album qui s'appelle Know Yourself, qui est sorti le 26 janvier. On vous propose d'écouter l'une des chansons qui s'appelle All Time Vibes, et on en reparle après. The All Time Vibes is more discipline. Most of the time you see people eat and choke. Is indiscipline cause him to choke? Toughing up too much and different thing in his mouth. So he must choke. So the basic thing in life, you have to do it in discipline. Oh yeah. Ooh, oh, oh, oh, all the time vibes. Play this your all the time vibes. People in my love so much. Oh yeah, all the time vibes. Play this your all time touch. Running. Time touch, me and the Empress I dance the whole night up. Remember the days we used to hear the whole time sound, and about they never living in them phone eyes. I remember when time I was a picnic, people used to dance and I laugh and I jiggy. Now them just a sun up and I go like them pretty. Vibe on the wall, so them coming like a Gigi. Play this your all time vibes. Now the people in my world so much. Oh yeah, all time vibes. Running all time vibes. Oh, sais pas. Elle m'accompagne déjà. Ce que je serais devenu sans cette musique, je ne sais pas. M'en passer, je ne veux pas. De toute façon, je ne peux pas. Foundation song, je pourrais n'écouter que ça. Well, grandmother in Nigeria, rocking, rocking. I tell me about the day she used to go on with that thing. Well, everybody have them old time memories. Maybe them a play an old time as a reason. Take a puff, you should have passed me on the clap, it a go full up soon. Make sure everybody got to share of the food. Cause music are the remedy for the youth day. Old times are, that the people in my world so much. Old times are, with this your all time touch. Old times are, that the people in my love so much. Oh yeah, old times are, old time touch. Back in the old time, you woulda see them something. Now them just a mash up the dance all over nothing. Them used to there, they a gallivant and liquor sipping. Sound system there, they playing a blast, the floor be kicking. Baby, let me hold you tight, whole time gripping. I'm giving you the vibe that you want and you're missing. Full time. Pour savoir où tu vas, dans la musique c'est la même, seul laisse-moi t'expliquer ça. À l'époque où le reggae était encore du ska, si me donne, c'est les quatre couleurs ça. Yeah. In this your old time vibe, old time touch. Me and the Empress a dance the whole night up. Remember the days we used to hear the whole time sound. And nobody never living in them four eyes down. La belle découverte, 18h-18h30. Alors on vient d'écouter le morceau All Time Vibes qui figure sur le dernier album de Naman avec Massey et Triple. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce morceau, Anthony ? Déjà, il faut noter la présence d'une bonne section cuivre qu'on entend très distinctement tout au long de la chanson. Et cette section cuivre, en fait, elle double le thème principal, ces 3-4 petites notes descendantes que le chanteur fait. Elles sont toujours à chaque fois doublées par la section cuivre, donc ça c'est déjà, je pense, quelque chose à noter. Pour bien comprendre de quoi on parle, on s'est permis d'isoler le morceau. Écoutez bien, du coup, la trompette derrière le chant. Ensuite, il y aura la présence de chœurs qui vont aussi doubler le chanteur sur d'autres parties de la chanson un peu plus tard. La basse, qui est assez indépendante de la batterie finalement, elle fait pas juste ce que fait la batterie comme on peut s'y attendre souvent dans le reggae. Moi j'ai noté quelques petites influences Bob Marley à la basse, alors vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais ça m'a fait penser un peu à quelques sonorités Bob Marley. Oh C'est évident que Bob Marley est l'une des influences de Naman. D'ailleurs, dans la chanson, il cite clairement Simmer Down. C'est une chanson, du coup, des Wailers, avant que Bob Marley les rejoigne. Ensuite, la rythmique de la guitare qui est doublée par un instrument à clavier, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est quand même relativement très fréquent dans le reggae. Bah, c'est-à-dire que c'est assez rare que les gens se fassent, entre guillemets, suer à doubler par exemple ce que fait la guitare, donc les skunks, les poum, tap, tap, les doubler au piano, ça apporte de la profondeur. Alors je pourrais pas dire qu'ils le font en live, parce que ça demande à un musicien en plus, mais par contre ce qui est sûr c'est qu'en studio ça donne une profondeur en plus et c'est cool. Complètement. Et donc, quelque chose dont on a parlé tout à l'heure et que tu m'as dit que c'était pas fréquent non plus, c'est une alternance entre l'anglais et le français dans cette chanson. Naman est donc de Normandie. Randy Killa, qui l'accompagne sur cette chanson-là et qui est le chanteur en français que vous entendez, lui, je saurais pas vous dire sa provenance exacte, mais c'est vrai que c'est assez rare d'avoir du français là-dedans, quoi. Pour parler un peu du petit solo de trompette un peu improvisé de la fin, on en avait déjà parlé pour un autre groupe dans un autre label découverte, une espèce de nouvelle mouvance un peu reggae jazzy comme ça. D'ailleurs, chez Naman, c'est même quasiment jamais arrivé, puisque de toute façon, il fonctionne quand même beaucoup en duo avec Fat Babs, qui est son beatmaker. Donc c'est très rare d'avoir une section cuivre en réel, en live avec eux. D'ailleurs, je sais même pas si c'est déjà arrivé. Mais le fait qu'en studio, ils aient pris le temps d'enregistrer une trompette supplémentaire comme ça, ça donne vraiment du cachet à la chanson et c'est chouette, quoi. Cette mouvance jazzy, elle est encore plus flagrante parce que les accords de la section cuivre, c'est vraiment pas des accords très simples. On sent très bien la mouvance un peu jazz, des accords enrichis avec des septièmes, des notes en plus qui frottent un peu l'oreille comme ça. Et c'est très rare dans le reggae. Donc c'était pour un peu confirmer ça. Et puis pour info, ça vient de me revenir, l'artiste dont on avait parlé qui avait cette influence jazzy au niveau reggae, c'est un peu les maîtres en la matière puisque c'était Groundation. Et effectivement, au niveau musical, la précision de ces artistes-là n'est pas à démontrer, quoi. Exactement. Allez, assez parlé des influences et des petits clins d'œil, moi ce que je vous propose c'est qu'on écoute une troisième chanson de l'album Know Yourself. En l'occurrence c'est Chill Out, une chanson qui était sortie un petit peu avant pour faire saliver les fans de Naman, et pour cause, cette chanson déchire. Me all the day, I go be stuck and static. No, me that go west, no more time back in a Kingston. Chaffee go and roll a vibe. No more than palm trees, blue seas, be stag alive. Me, I'm on Google, you cannot stop me. Me send a scammer and a teen along the road. You cannot trick me, what up, people? What up, nah, man? I'm just chilling on the block, what a grand man. I got the leaf from Georgia locking on my palm, man. Life is such a storm, we're just chilling in the calm. In this cold dark world, we're just living where we're calm. Holding firm as if chilling is the norm. But we also, when we're ready, still we leave it till our bar. Thoughts are with a medley when we're speaking to the law. And so me wake up and I wanna do what I wanna do. And we call me off it chill. Wake up and I wanna do what I wanna do. And I'm gonna do all I do. Monday is chill, Tuesday is chill, Wednesday is chill, Sunday we chill. Third eye I bleed when me wipe off and deal. Chill out and chill out. Monday chill, Tuesday chill, Wednesday chill, Thursday chill, Friday chill, Saturday chill, Sunday chill. Man I chill out and chill out. Hey, in a sweet jam down, the fun I never done ya. And every single month of the year is like summer. One people unite out of many. Me take this opportunity for a y'all a many. And I won't forget to as me rise out my bed. Me have to open my belly with a coconut jelly. Is a beauty surround me, such a wonderful place. A Monday never reaches like a Sunday for days. Oh, it's sweet under the sun, feel the breeze over the hill. And I'm on same one, one to the beach. And so me wake up and I wanna do what I wanna do. And we call me off it chill. Wake up and I wanna do what I wanna do. When I'm gonna do all I do. Monday is chill, Tuesday is chill, Wednesday is chill, Sunday we chill. Third eye I bleed when me wipe off and feel. Chill out and chill out. Monday chill, Tuesday chill, Wednesday chill, Thursday chill, Friday chill, Saturday chill, Sunday chill. We chill out and chill out. Alone provide the time to roll a melody. So me kicking a vibe, I'm feeling alive, I'm living the life we make of it. Chilling, I'm feeling, I'm willing, I'm taking a five up in my nature. Only me, Lord, I feel my soul and do me daily. I miss that church, I give me the remedy when me a penny, I'm gonna alleviate. I saw me go ease back in the breeze, I'm chilling, appreciate. Only Jah alone provide with vision, so to see. Only Jah alone provide nutrition, so to see. Him giving knowledge, so you know we got to read. And right now I'm coming and I'm chilling on the beach. Life never damaged, I'm a willow in the breeze. Floating on the ocean and my pillow is the sea. Now tight to no string, but wanna open up your dweet. So me link with Geppetto and me ever keep it real. Chill out, chill out, chill out, chill out, chill out, chill out, chill out, chill out, chill out, chill out, chill out, chill out. La La belle découverte, 18h-18h30. Allez, quelques petites anecdotes concernant l'album Know Yourself de Naman, Massey, Triple, Fat Babs et puis tous les musiciens. Ils ont eu la bonne idée de cacher 3 golden tickets dans les 1000 premiers exemplaires de cet album-là, qui est désormais en vente. Et ces 3 golden tickets donnent le droit à un moment privilégié avec le groupe. Vous êtes donc invités à partager un moment avec le groupe et les artistes en Normandie pendant la préparation de leurs différents projets. Cool ça. Donc c'est plutôt cool comme petit cadeau qui est prévu. Donc voilà, il y a 3 golden tickets. Pour le moment, il y en a déjà 2 de trouvés. Hein. Il en reste un, voilà. Dites-vous ça, il en reste un. Alors il y a un truc qui m'a fait marrer sur les concerts de Naman, puisque j'ai eu la chance de le voir par exemple au NJP l'année dernière. Naman et toute l'équipe du Deep Rockers Crew ont une banane absolue hein, sur scène. Tu vois que les mecs ils sont vraiment heureux de faire ce qu'ils font et ça, ça fait plaisir. Mais en dehors de ça, ils ont prévu un scoopomètre. Est-ce que tu sais ce que c'est que le scoopomètre? Alors pas du tout. Explique. Pas du tout, c'est tout simple en fait, ils essayent de faire monter la tension sur la chanson Skanking Shoes notamment. Alors t'as Fat Babs le beatmaker qui se pointe, qui se met en face de la scène et qui explique un petit peu les règles du jeu. Et il fait monter en pression, monter en pression, monter en pression. Et en fait il y a un championnat du scoopomètre en fonction des dates où il joue partout en France ou en Europe ou ailleurs. Et ben justement il donne le scoopomètre au public le plus bouillant. Donc voilà, oh, c'est super, assez sympa ça. Comme délire. Bah ouais, ce serait plutôt sympa ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai une petite anecdote qui est assez sympa, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt une référence. Le festival Summer Jam en Allemagne, je sais pas si tu connais Alex. Si, de nom carrément, ça me dit quelque chose ouais. Du coup ce festival il est un petit peu mythique au niveau du reggae. Et Fat Babs, donc le beatmaker encore une fois, avait participé à ce festival en tant que voilà, en tant que festivalier. Et il avait dit à ses amis quand il avait 17 ans à l'époque: je vous jure les gars, un jour j'y jouerai. Et bah 7 ans plus tard, il a joué avec Naman sur la grande scène et c'était la classe absolue. Donc voilà, des petites anecdotes assez sympas quoi. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un dernier extrait de l'album Know Yourself, c'est All the People. Your feet, aristocracies and the aristotelies, them cut your Achilles and them why you knock your knees, cause you got me turning Japanese when me chop the trees and me start to pre the hypocrisies and the fallacies with the Pharisees and the Sadducees and the Tritons of the seas and the Caesars, draconian mandrakes, they got your bedazzled. Don't you bring no trouble, system can't hold it, so it's simply off a buckle. Hey, don't you see the people in my bottle, certain think me not dig and you not see me with no shuffle. Don't you try to hold it down again, so we're telling the whole of them controllers and the holders of arguments, this is how we tell them our parliament. Don't you hold the people down, don't hold the people down, don't hold the people down, yeah, yeah, yeah. Don't you hold the people down, don't hold the people down, don't hold the people down, yeah, yeah, yeah. Don't you hold the people when the people wanna rebel, eat the evil and the lions sing with bite of the tamer. Bump up the wire, me not go fit with them no longer. Send the one that I ask for, that means I must get no late time. Squeeze, and we need to rest them time. I want one for kids, but the balance and the system. Blaze, open the lighter, we a move straight for quick kid, but the future for you day. Too many leave low, now far we need blow. Doing the night proud to feed out the next blow. And when the belly ball, the file go vital, the problem I hit the reach if there's no food and it's so factual. Ease out and slice. They can't share and it's a desperation. You never care for people on probation. Set for your conscious fake election. Different liars in the whole empire. Have them titan badger, them a whole vampire. Free up the people from the wrongs that fire. Don't you hold the people, cause the people are go oh yeah. Don't you hold the people down. Don't hold the people. Them deceive your eyes. Be all enough, you better teach the nation. No matter come now with no explanation. Right now we're looking for a restoration. Don't you Découverte, 18h-18h30. De retour dans votre émission Label Découverte sur Fadjet, on vient d'écouter la chanson All The People de Naman qui est sortie sur l'album Know Yourself. Alors c'est pas Naman tout seul, il y a Massy et Triple, des collègues rencontrés sur l'île de la Jamaïque hein, pendant son premier voyage. Et c'est toute cette équipe qui a composé la chanson éponyme Know Yourself qu'on va s'écouter tout de suite. Bro. We all have a role, we all have a way. If you know yourself, then your path will appear me a moment so away. We all have a role, we all have a way. Build something strong by the little that you do every day. In this system, you gotta keep your focus. Streets are full of locusts, reach and try to choke us. Teachers hocus pocus, vials, bottles and potions. Fire rotten emotionless vultures, ropes on the culture. Soaking the sculpture in blood from the throat of the sculptor. That's why we suffer for art, but this road that we paved is a wonderful art. When the tide changing, minds raising, find patience. Light rays of night change, the night's blazing. Quite strange, the night rays of light faces that work with the demons in the shadows of divine places. In my marrow is the marrow of divine ancients. We all have our way. If you know yourself, then your path will appear me a moment's away. Yeah. We all. And some a jump up in a the jiggy jiggy, jump up in a the blender, and a mix up like a pumpkin in a blender. System of the city got the country a surrender, but control is only a pretender. Have to make your part, make your charge like the Hulk in the Avenger. Bust down every bump in your adventure, remember. You are the master of your universe. Nobody could ever stop you or make you reverse. Mr. Babylon have we met before, this a we intro. If you not let we in through the door, we busting through your window. Find a way to remind you, the roles that you play that define you. We all have our own, we all have our way. If you know yourself, then your path will appear me a moment's away. We all have our own. Lie to yourself. Tough I go tomorrow. If you won't be someone else, I feel move like a warrior through the stars of date. Not gonna feel no leisure, man, I saw progress. And never let them system blind you down. Never let them business sell the frown. No, no, no. We are the lion, name a liar in a Babylon kingdom. Yo. And every little thing they do is try to turn the fact. Truth is slow down and mash up your brain. They reaching in and gripping on souls. And you can see the stories that the wicked unfolds. Watch your step because the peace are taking a chance. You can't get to keep your mind controlled. You won't be watched by your vision. Make your own a decision. Now get chopped by the glitter and gold. Watch by your vision. Better know yourself. Watch by your vision. Know yourself. All have our own. All have a way. If you know yourself, then you'll feel me a moment's away. We all have a role. We all have a way. In some things young, by the little that you do every day. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission, il est bientôt 18h30, on a décrypté ensemble l'album Know Yourself avec Naman, Massy et Triple, c'est sorti le 28 janvier sur Big Scoop Records. Alors pour information, cette émission sera diffusée le 25 février, et puis juste après vous retrouvez Sous Toutes les Cultures avec Aurélie, il y aura Archiphonique avec Romain, et puis nous on se retrouve dans le menu étudiant, je vous souhaite une très bonne soirée, et on se retrouve soit en podcast, soit sur Facebook si vous le décidez. Ciao. Hey, salut.